بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. La course aux richesses sera votre loisir jusqu'au jour où vous entrerez dans les tombes. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. Alors vous connaîtrez votre sort. Et oui, vous le connaîtrez bien. Ah, si vous le saviez d'une façon absolument sûre. Assurément, vous verriez le brasier de l'enfer et vous le verriez dans toute sa réalité. Ce jour-là, on vous demandera des comptes sur vos jouissances d'ici-bas.